Chapitre quatrième. Pendant un mois, M. de Montragu fut le plus heureux des hommes. Il adorait sa femme et la regardait comme un ange de pureté. Elle était tout autre chose. Mais de plus habile que le pauvre Barbe Bleue, s'y serait trompé comme lui, tant cette personne avait de ruses et d'astuces, et se laissait docilement gouverner par Madame sa mère, la plus adroite coquine de tout le royaume de France. Cette dame s'établit aux Guillettes avec Anne, sa fille aînée, ses deux fils, Pierre et Com, et le chevalier de la Merluce, qui ne quittait pas plus Madame de Montragu que s'il eût été son ombre. Cela fâchait un peu ce bon mari, qui aurait voulu garder constamment sa femme pour lui seul, mais qui ne s'offensait pas de l'amitié qu'elle éprouvait pour ce jeune gentilhomme, parce qu'il lui avait dit que c'était son frère de lait. Charles Perrault dit qu'un mois après avoir contracté cette union, la Barbe Bleue fut obligée de faire un voyage de 6 semaines pour une affaire de conséquence. Mais il semble ignorer les motifs de ce voyage, et l'on a soupçonné que c'était une feinte à laquelle recourut, selon l'usage, le mari jaloux pour surprendre sa femme. La vérité est tout autre. Monsieur de Montragu se rendit dans le Perche pour recueillir l'héritage de son cousin d'Outarde, tué glorieusement d'un boulet de canon à la bataille des Dunes, tandis qu'il jouait au dé sur un tambour. Avant de partir, M. de Montragu prie à sa femme de prendre toutes les distractions possibles pendant son absence. « Faites venir vos bonnes amies, madame, lui dit-il, et les menez promener. Divertissez-vous et faites bonne chère. » Il lui remit les clés de la maison, marquant ainsi qu'à son défaut, elle devenait unique et souveraine maîtresse en toute la seigneurie des Guillettes. « Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. » Charles Perrault prétend que M. de Montragu ajouta « Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » L'historien de la Barbe Bleue, en rapportant ces paroles, a le tort d'adopter sans contrôle la version produite, après l'événement, par les dames de l'époisse. M. de Montragu s'exprima tout autrement, lorsqu'il remit à son épouse la clé de ce petit cabinet, qui n'était autre que le cabinet des princesses infortunées, dont nous avons eu lieu déjà plusieurs fois de parler. Il témoigna à sa chère Jeanne le désir qu'elle n'entrât pas dans un endroit des appartements qu'il regardait comme funeste à son bonheur domestique. C'est par là, en effet, que sa première femme, et de toutes la meilleure, avait passé pour s'enfuir avec son ours. C'était là que Blanche de Gigomex l'avait abondamment trompé avec divers gentilshommes. Ce pavé de porphyre, enfin, était teint du sang d'une criminelle adorée. N'en était-ce point assez pour que M. de Montragu attachât à l'idée de ce cabinet de cruels souvenirs et de funestes pressentiments? Les paroles qu'il adressa à Jeanne de l'Époisse traduisirent les impressions et les désirs qui agitaient son âme. Les voici textuellement. « Je n'ai rien de caché pour vous, madame, et je croirais vous offenser en ne vous remettant pas toutes les clés d'une demeure qui vous appartient. Vous pouvez donc entrer dans ce petit cabinet comme dans toutes les autres chambres de ce logis. Mais, si vous m'en croyez, vous n'en ferez rien. Pour m'obliger, et en considération des idées douloureuses que j'y attache, et des mauvais présages que ces idées font naître malgré moi dans mon esprit. Je serais désolé qu'il vous arrive un malheur, ou que je puisse encourir votre disgrâce, et vous excuserez, madame, ces craintes, heureusement sans raison, comme l'effet de ma tendresse inquiète et de mon vigilant amour. » Sur ces mots, le bon seigneur embrassa son épouse et partit en poste pour le Perche. Les voisines et les bonnes amies, dit Charles Perrault, n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie. Tous les historiens qui ont traité ce sujet ajoutent que Madame de Montragu ne se divertissait pas à voir toutes ses richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le petit cabinet. Rien n'est plus vrai, et comme l'a dit Perrault, elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Le fait n'est pas douteux, mais ce que personne n'a dit, c'est qu'elle n'était si impatiente de pénétrer en ce lieu que parce que le chevalier de la Merluce l'y attendait. Depuis son établissement au château des Guillettes, elle rejoignait dans le petit cabinet ce jeune gentilhomme tous les jours et plutôt deux fois qu'une, sans se lasser de ses entretiens si peu convenables à une jeune mariée. Il est impossible d'hésiter sur la nature des relations nouées entre Jeanne et le chevalier. Elle n'était point honnête, elle n'était point innocente. Hélas, si la dame de Montragout n'avait attenté qu'à l'honneur de son époux, sans doute elle encourrait le blâme de la postérité. Mais le moraliste le plus austère lui trouverait des excuses. Il allégrait en faveur d'une si jeune femme les mœurs du siècle, les exemples de la ville et de la cour, les effets trop certains d'une mauvaise éducation, les conseils d'une mère perverse, car la dame Sidonie de Lépoisse favorisait les galanteries de sa fille. Les sages lui pardonneraient une faute trop douce pour mériter leur rigueur. Ses torts eussent paru trop ordinaires pour être de grands torts, et tout le monde eût pensé qu'elle avait fait comme les autres. Mais Jeanne de Lépoisse, non contente d'attenter à l'honneur de son mari, ne craignit point d'attenter à sa vie. C'est dans le petit cabinet, autrement nommé cabinet des princesses infortunées, que Jeanne de Lépoisse, dame de Montragout, concerta avec le chevalier de la Merluce la mort d'un époux fidèle et tendre. Elle déclara plus tard qu'en entrant dans cette salle, elle y vit suspendus les corps de six femmes assassinées, dont le sang figé couvrait les dalles, et que reconnaissant en ces malheureuses les six premières femmes de la Barbe Bleue, elle avait prévu le sort qui l'attendait elle-même. Ce serait, en ce cas, les peintures des murailles qu'elle aurait prises pour des cadavres mutilés, et il faudrait comparer ses hallucinations à celles de Lady Macbeth. Mais il est extrêmement probable que Jeanne imagina ce spectacle affreux pour le retracer ensuite et justifier les assassins de son époux en calomniant leurs victimes. La perte de M. de Montragout fut résolue. Certaines lettres que j'ai sous les yeux m'obligent à croire que la dame Sidonie de Lépoisse participa au complot. Quant à sa fille aînée, on peut dire qu'elle en fut l'âme. Anne de Lépoisse était la plus méchante de la famille. Elle demeurait étrangère aux faiblesses d'essence et restait chaste au milieu des débordements de sa maison. Non qu'elle se refusât des plaisirs qu'elle jugeait indignes d'elle, mais parce qu'elle n'éprouvait de plaisir que dans la cruauté. Elle engagea ses deux frères, Pierre et Com, dans l'entreprise par la promesse d'un régiment.